Bonjour et bienvenue dans ce 43e numéro de Animer nos mélodies. Cela fait avec ce numéro 5 ans que ce podcast consacré à la musique de nos animés de notre jeunesse existe, grâce à vous qui êtes fidèles chaque mois. Animer nos mélodies avait l'ambition, et a toujours l'ambition, de découvrir les classiques de notre enfance en musique, mais aussi de partager l'immense catalogue existant au Japon pour des œuvres inconnues ou méconnues du grand public. Au bout du 43e numéro et de maquets divers et variés, j'ai aussi pu interviewer des gens passionnants comme Olivier Fallet, Irulan ou Michel Barouille, me faire des amis avec RadioAnime.net qui sont mes partenaires privilégiés, faire de belles rencontres aussi comme David, Colin pour Ulysse 31, le soundtrack revisité, et les émissions avec le triple A, Ridoka, Yann Kouza, avec moi aussi, donc du coup, hein, puisque j'y ai participé. Pour fêter les 5 ans de Animer nos mélodies, il y aura des concours toute l'année pour gagner un CD. Presque à chaque émission, on verra si je peux vous faire gagner un CD à chaque fois. Le concours commencera donc en fin d'émission, vous soyez donc à l'affût des derniers moments de cette émission. Pour ce 43e numéro, nous allons exceptionnellement confronter les musiques de Macross à son pendant américain Robotech et voir que finalement cette guerre musicale n'a pas lieu d'être. Venez d'écouter le générique français de Robotech, chanté par Bernard Minet. Avant de parler un peu plus de l'origine de Robotech, écoutons le focus réalisé par Ryodoka pour Animer nos mélodies. Macross, de son vrai nom Shoji Kōyusai Macross ou The Super Dimension Fortress Macross, est une série d'animation japonaise de science-fiction de type mecha, de 36 épisodes, créée par le studio Nou et Shoji Kawamori en 1982. De nombreux spin-offs, suites, préquels, films sont apparus depuis, au point que la franchise est considérée comme la rivale de Mobile Suit Gundam. Trois éléments sont importants dans cette franchise. Premièrement, les mechas bien sûr, appelés ici Valkyrie, avions pouvant prendre deux autres formes, une humanoïde et une variante entre avion et humanoïde. Deuxièmement, un triangle amoureux se mêlant à un space opéra. Et troisièmement, la musique avec à sa tête au moins une idole. Chez nous, Macross est connu grâce à l'adaptation américaine d'Harmony Gold réalisée en 1985 par Karl Masek en tant que première partie de Robotech sur 3. La deuxième se nommant Southern Cross et la troisième Genesis Climber Morpida. En France, la série a été diffusée à partir du 25 mai 1987 sur la 5 dans Youpi, l'école est finie. Dans un premier temps, elle sera diffusée à 17h15. Le dessin animé a eu un certain succès. Ainsi, dès le 27 juin 1987, il fut diffusé à 20h05 en première partie de soirée. puis dès le 25 juillet 1987 à 12h50. Puis via AB, partiellement à partir du 22 avril en 1991 dans le Club Dorothée sur TF1. L'histoire commence en 1999. Un gigantesque vaisseau spatial d'origine extraterrestre s'écrase sur une île du Pacifique sans aucune trace d'équipage. Le monde prend peur d'une éventuelle invasion. Les pays de la planète Terre s'unissent et mènent un programme ambitieux pour comprendre les technologies à bord de l'épave et ainsi trouver un moyen de se défendre au cas où ces extraterrestres seraient belliqueux. Vu la taille des portes et des équipements à bord de l'épave, il est évident que les membres de l'équipage étaient des géants et que leur technologie dépasse de beaucoup celle du peuple de la Terre. Le vaisseau, une fois remis aux normes humaines, est baptisé SDF-1 Macross. En 2009, après avoir fini d'étudier et de réparer le SDF-1, arrive enfin le jour de l'inauguration. C'est le moment que choisissent les extraterrestres appelés Zentradi pour récupérer leur vaisseau et attaquer sans sommation. Ce qui provoque la première guerre spatiale. Commence alors une course-poursuite à travers le système solaire entre le SDF-1 et les Zentradi, où l'on apprendra que les deux peuples ont une origine commune et sont le fruit de manipulations génétiques d'une ancienne civilisation maîtrisant la protoculture. Nous n'en saurons malheureusement pas beaucoup plus sur cela, à part que la musique y a une place importante. Comme vous venez de le constater, le générique US de Robotech n'est pas chanté, mais musical. Robotech est donc la fusion, réalisée en 1985 par Karl Maczek et l'éditeur Harmony Gold, du premier dessin animé Macross de 1982, avec deux autres séries condensées donc en trois parties, Robotech The Macross Saga, donc Super Dimension Fortress Macross, Robotech The Masters, Southern Cross, et Robotech New Generation, Genesis Climber More Speed. Nombre de fans pensent que la première partie de Robotech, donc Macross, n'a subi aucune malversation et que l'on a simplement doublé la série puis ajouté les autres parties Southern Cross et Genesis Climber More Speed. Mais en réalité, les changements sont bien plus profonds que l'on pourrait le croire. En effet, Karl Maczek a juste repris la trame de fond pour en créer une nouvelle basée sur la protoculture, mais pas que, avec aussi des changements importants dans les relations entre les personnages et même des thèmes qui font ce qu'est Macross. Revenons un peu en arrière. Macross est un énorme succès au Japon en 1982 et attire les convoitises américaines, dont Karl Maczek, qui la propose à la société Harmony Gold pour l'éditer en vidéo et la faire doubler. On est à ce moment-là assez loin de ce que l'on croit connaître de Harmony Gold. Oui, mais voilà, le groupe Revell, bien connu des fans de maquettes, a acquis les droits des vaisseaux et autres personnages de la série Macross sous le nom de Robotech, pour la vente US. Harmony Gold prend les devants et propose à Revell un partenariat, une co-licence si vous préférez. Seulement voilà, Revell veut vendre du jouet, et donc si partenariat il doit y avoir, il faudra donc passer par la case télé. Harmony veut bien faire cet effort, mais un problème subsiste. La télévision américaine a ses propres codes de diffusion et Macross, qui n'a que 36 épisodes, n'est pas adapté à un secteur qui en demande 65 par saison de diffusion. Qu'à cela ne tienne, la grande idée de Karl Maczek est donc de réunir plusieurs séries en une pour réaliser cet exploit. Il fusionne donc deux séries de la Tatsunoko, achetées en package avec Macross, tout en changeant l'histoire habilement pour la continuité. Et bien sûr, les noms des personnages auront été américanisés, et même certains d'entre eux auront la chance d'être rajeunis. Beaucoup de dialogues ajoutés pour ne pas laisser de vide, des chansons enlevées car on n'est pas chez Disney, et bien sûr des nouvelles chansons typiquement US. D'ailleurs, il est soulevé un point important sur les sites spécialisés. À l'épisode 27 par exemple, qui se situe à la fin du combat final, Lin Min Mei chante une chanson pour booster les pilotes terriens et finalement retourner les intradiens contre leur maître. Dans la version japonaise, il s'agit d'une chanson antimilitariste et sentimentale. Version américaine, le titre parle d'elle-même, We Will Win, nous allons gagner, chanson patriotique par excellence. La musique de Robotech a été composée par Ulpio Minucci et Arlon Ober, tous deux décédés malheureusement, le premier le 9 mars 2007, la même année que Kentaro Neda, décédé en juin, mais aussi donc Arlon Ober qui nous a quittés en 2004. Ulpio Minucci est un compositeur américain né en 1917 d'origine italienne et assez connu aux États-Unis pour avoir composé pour des séries télé de western entre 1950 et 1965. Harlan Ober, lui, a travaillé sur des musiques de films, principalement de films d'horreur. On le retrouve par exemple crédité sur Child's Play, jeu d'enfant, avec la poupée Chucky. Son travail se retrouve d'ailleurs souvent dans des musiques stock, c'est-à-dire des musiques créées pour des ambiances et revendues pour des téléfilms ou des films. Harlan Ober est donc le co-compositeur, avec Ulpio Minucci, de Robotech. A eux deux, mais aussi avec le chanteur et compositeur Michael Bradley, ils ont composé près de 3 heures de musique et de chansons pour la série. Même si les musiques de Kentaro Haneda sont fabuleuses, celles de Robotech n'en sont pas moins, car très différentes, plus dans l'esprit des séries américaines, et ont leur charme. Je vous propose d'ailleurs, dans ce podcast, non seulement les musiques de la série Robotech, mais aussi de sa suite américaine, The Sentinel, et celui du film nommé Robotech, qui, comme Macross, est une réadaptation d'une autre série mythique japonaise, Megazone 23. Les chansons remplaçant les versions japonaises sont tout aussi mythiques pour les Américains et les Européens car elles sont plus ou moins assez pop-rock, très loin des chansons mièvres que l'on peut entendre sur des animés en France, mais c'est aussi une particularité courante sur les animés provenant des États-Unis. Les chansons que l'on entend sont chantées par John Harris, Michael Bradley, Three Dark Knight, Randall Rumage et Gigi Agrama. C'est Reba West qui interprète la chanson Will We Win que nous avons entendue tout à l'heure. Sunny Hilden chante Together et Michael Bradley du groupe Lancer dans l'animé chante Lonely Soldier Boy et The Way to Love, chanson pour la troisième partie de Robotech qui correspond à Mos Peda. On écoute les musiques et des chansons de Robotech et on continue ensuite avec celle de la version japonaise Macross. Thank you.

wind is howling through the empty streets outside. We have to hide. We dare not go outside. We must not walk into the darkness of the night. We have to pay for. You We'll be right back.

マクドの空を貫いて 地球を打ったイカズチは我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。マクロス、マクロス、惜しく歌った若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く。 Will love me tomorrow。 闇を切り裂き飛びゆく先は遠く輝く青い星。マクロス、マクロス、マクロス。コーラを引き連れて星の彼方の闇の中、バンコに続く戦いを目指して飛んだ定めの矢。マクロス、マクロス、淡い日差しと灯り歌、赤子の眠り母の胸、愛する日々を戦い守る。 Will you love me tomorrow。 闇を切り裂き伸びゆく光、輝き満ちる日はいつか。 Vous venez d'écouter Macross, chanté par Makoto Fujiwara. La musique de Macross a donc été composée par Kentaro Haneda. Kentaro Haneda a suivi une formation classique à la Tōhō Gakuen et est devenu très vite un professeur d'université à la Ongaku Tokyo Gakuen. Il était un pianiste très réputé et c'est à la demande de la NHK que Kentaro Haneda a commencé à travailler pour eux pour des spots publicitaires, des dramas, documentaires, des animés comme L'île au trésor diffusé sur Antenne 2 dans Recrea 2. Il aura aussi composé les musiques du classique Space Adventure Cobra, spécial dédicace à Yvan West Lawrence, diffusé sur Canal Plus et Antenne 2, de Sherlock Holmes, toujours diffusé sur Antenne 2, de Très Chers Frères, diffusé succinctement dans le Club Dorothée. Il existe bien d'autres œuvres inconnues en France, comme Orgus, Uchu Senken Yamato, God Mazinger. Il a beaucoup travaillé sur des CD dramas comme ceux de Sazan Eyes, 3x3 Eyes, hein, comme on peut dire en France. Ou alors il a réalisé des CD réorchestrés de compositeurs classiques comme Mozart, ayant un de ses albums, c'est d'ailleurs assez étonnant à découvrir. En 1982, Big West fait appel à lui pour composer la musique de la série télé Macross. Le succès fut tel que Macross devint donc une franchise très lucrative au Japon, comme Gundam, une nouvelle série, des OAV et des films durant ces 37 dernières années. Kentaro Haneda participa une dernière fois dans l'univers Macross pour le film sorti en 1984, premier gros budget de l'animation japonaise à son époque, révolutionnant l'animation. Son titre, Oboete Imasuka, donnant ses lettres de noblesse aux musiques de la série avec des nouveaux arrangements. Il n'y a pas que Kentaro Haneda qui a profité du formidable succès de Macross. En effet, la jeune chanteuse Mari Ijima décroche le rôle de Lin Minmay et devient avec ce personnage et les chansons qui l'accompagnent une star internationale, mais pas que du côté asiatique, mais aussi du côté des États-Unis, si bien qu'elle s'y installe à fin 89 où elle obtint quelques rôles à la télévision américaine tout en continuant d'écrire et de chanter pour des albums loin de l'animation japonaise. Allez, il est temps de découvrir les musiques et les chansons de Macross. Yeah. もういらないから。 走り続ける、ゴールはまだ見えない。今日の次に何がある、明日の先に何がある、遥か彼方の光に向けて僕は今も走り続ける。僕はもう迷いはしない、自分の道を歩むだけ。人は誰も走り続ける、ゴールは遠いけれど、今日過ぎ去る日々の中、明日という日がればいい。遥か彼方の光に向けて僕は今も走り続ける。僕はもう止まりはしない、いつか出会う時もある。人は誰も走り続ける、ゴールは見えないけど、明日という名の希望の未来という名の輝きが、遥か彼方の光に向けて僕は今も 走り続け。 Animé nos mélodies, fête ses 5 ans. Je vous rappelle que toute l'année, vous aurez l'occasion de gagner un cadeau en répondant à une question qui sera toujours posée en fin d'émission. Les règles sont simples. Premièrement, vous devez tout d'abord vous abonner soit à la page Facebook de Animé nos mélodies, soit à celle de Twitter. Vous aurez les liens dans la description du podcast ou sur la page de Animé nos mélodies, ou encore une fois sur Animé nos mélodies, le podcast.fr. Ensuite, partagez la page à vos amis pour faire découvrir le meilleur de la musique d'animé rétro. Et enfin, à la question suivante en me donnant votre réponse en MP sur Facebook ou Twitter. La question du mois est: qui a composé la musique de la série d'OAV 3x3 Eyes, Thousand Eyes? Je vous rappelle que j'ai déjà chroniqué cette série d'OAV. À vos réponses! Animé nos mélodies, c'est terminé pour ce mois-ci. Je remercie mes partenaires RadioAnime.net, Ridoka pour son focus, Frankie Anime Live, Chris et Christy Yukigami de City Pop Radio et de Sun Squad, le manga Oz de Lucky Neon. Un grand merci aussi à Yannick Rowe, que vous connaissez pour être le compositeur des orchestrations des musiques des Cités d'Or, mais aussi de France 5 ou de certains génériques d'émissions pour la chaîne Life. Un grand merci aussi pour son travail, car nous lui devons tous les habillages musicaux d'animer nos mélodies. D'ailleurs, une surprise vous attend dans les prochaines semaines. Je voudrais aussi remercier le site www.macross-galaxy-network.fr, dont vous retrouverez le lien dans la description, et qui m'a servi pour vous donner toutes les explications concernant Robotech, la genèse avec Harmony Gold. On se quitte non pas avec une chanson japonaise, mais avec une petite surprise de ma part. Bonne écoute! On se retrouve la prochaine fois avec de nouvelles musiques envoûtantes, et n'oubliez pas que la musique d'animé, ce n'est pas que pour les Japonais. Lorsque tu pars au combat contre le mal, toute la terre ne pense qu'à ta grande victoire. Contre les entradis et leurs canons fatals, nous croirons en ta force, oui, en ta gloire. Robotech, Robotech, avec la jolie ligne mimée, tu parcours l'espace. Et avec tes compagnons, tu pars en chasse. Tu défendras la terre, des ennemis venus de l'univers. Au grand robot, au sang chaud. Et quand tu revêts tes ailes dorées, prêt à tous les affronter, oui, on te sait, prêt à gagner ta liberté. Robotech, Robotech, Robotech.